الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين في كتابه الكريم. أيها الناس، فإن المساجد من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخبرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بأن المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فتميزت المساجد بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وإقام الصلاة، وتلاوة القرآن، وحلق العلم والذكر، والتفقه في دين الله، ولقاء الأصحاب والإخوان، وتربية الأولاد والنساء والأجيال على طاعة الله والأخلاق الحميدة، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. بخلاف الأسواق، فإنه يوجد فيها من التعاملات المحرمة والأعمال السيئة والأمور المنكرة من الغش والكذب والخيانة والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. والمساجد يكفيها شرفا أنها بيوت الله، أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظم مكانتها. والمساجد هي لله، المساجد هي لله، ليست لغيره. ولو أنفق الناس أموالهم كلها، قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل مبينا هذا الأمر العظيم، أهمية تعظيم بيوت الله، قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقول سبحانه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من الأحكام والآداب. فرفع المساجد ببنائها، بتشهيدها وبنائها وتعظيمها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله سبحانه وتعالى يتناول إقام الصلاة وتلاوة القرآن والتفقه في الدين، إلى غير ذلكم. ولاحظوا ذكر الرجولة في هذه الآية بأجمل سورها وأكمل مواضعها: ولقد غاب عن الرجولة الكثير من الرجال، تراهم رجالا بصورهم بقوتهم، لكن لا تراهم في المساجد. فأين هؤلاء من الرجولة الحقيقية التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابها؟ رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم هم يتاجرون ويكتسبون، لكن ليسوا بغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ليسوا بغافلين عن المساجد، فقلوبهم معلقة ببيوت الله سبحانه وتعالى. وإن خرجوا من المسجد لحاجتهم ومصالحهم فقلوبهم معلقة بالمساجد. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى رجالا. وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذه الآية بيان من الله عز وجل لعمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه وتعالى، وأنها تنبني على أصلين عظيمين: صلاح العقيدة وحسن العمل. صلاح العقيدة وحسن العمل. من آمن بالله واليوم الآخر، فالعقائد الفاسدة والآراء الضالة أصحابها ليسوا من عمار بيوت الله، وإن جاءوا إلى المساجد وإن صلوا وإن دخلوا في صفوف المسلمين فليسوا من عمار مساجد الله، ليسوا من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى. ما لم يصححوا عقائدهم ويصلحوا إيمانهم. من آمن بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا آمرا ناهيا سبحانه وتعالى، ما لم يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى أحدا صمدا، ما لم يعتقدوا بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه المعبود الحق لا معبود حقا سواه. من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر ويوم القيامة يوم الجزاء، واليوم الآخر ويوم الآخر ويوم القيامة ويوم الجزاء، وللعبد موقفان يقفهما بين يدي الله سبحانه وتعالى: موقف في الدنيا في الصلاة، ومن أصلح هذا الموقف بينه وبين الله أصلح الله الموقف يوم القيامة حينما تقف بين يديه سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. من آمن بالله واليوم الآخر فهما موقفان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذين الموقفين، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى dans son livre nous enseigne que le fait d'accorder la plus grande importance aux préceptes de l'islam fait partie de la piété des cœurs. Et parmi les plus grandes choses dans l'islam, les mosquées, qui ont été appelées les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran et dans la Sunna, nous trouvons que l'endroit le plus important, le plus méritoire, est la mosquée qui a été construite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe même que c'est l'endroit le plus aimé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il en est ainsi, c'est l'endroit le plus aimé chez les anges, c'est l'endroit le plus aimé chez les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit alayhi salatu wa salam: l'endroit le plus aimé chez Allah, les endroits les plus aimés chez Allah sont ces mosquées, et les endroits les plus détestés chez Allah sont les marchés. Les mosquées se sont donc distinguées par de nombreuses choses, comme la multitude de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, le louent et le glorifient, comme l'accomplissement de la prière, la lecture du Coran, l'apprentissage de la religion, le prêche et la prédication, la rencontre des frères, l'augmentation de la foi, l'éducation des enfants, des femmes et des générations à venir, sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et les nobles caractères, et beaucoup d'autres choses encore. Contrairement au marché où on y trouve le mensonge, la tromperie et les personnes qui jurent en mentant afin d'écouler leur vente, afin de réussir leur vente et leur négoce, et beaucoup d'autres mauvaises choses. Donc l'endroit le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala est la mosquée. S'il en est ainsi, le croyant doit accorder la plus grande place dans son cœur aux mosquées qui ont été bâties pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous suffit de savoir, pour accorder la plus grande importance à la mosquée, que ce sont les demeures d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a annexé cet endroit à lui-même subhanahu wa ta'ala pour nous montrer son importance, sa noblesse et sa grandeur dans l'islam. Et sache que les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu dépenses des millions, ça restera la propriété et la demeure d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, et les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Celui qui construit une mosquée l'a construit pour Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, sur la traduction approchée, dans des maisons où on vous a permis, dans des maisons qui ont été édifiées. Il s'agit ici, chers frères, des mosquées, où on élève son nom. Donc l'élévation des mosquées se fait de deux manières, en construisant, en dépensant à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour construire la mosquée, et également en peuplant ces mosquées pour y accomplir la prière, pour y apprendre sa religion, pour s'éduquer et éduquer autrui. Tout cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit ensuite, donc la traduction du verset, où on l'évoque, le glorifie le matin ainsi que le soir. Il y a des hommes dont ni le commerce, ni le négoce ne distrait de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, de l'aumône. Ils craignent le jour où les regards et les cœurs seront bouleversés. Ils redoutent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'importance des mosquées dans son livre et de la considération que le croyant doit avoir pour les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les mosquées. Et remarquez ici comment Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit qui sont les vrais hommes. Les vrais hommes sont ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, y accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale. Combien sont ceux qui sont des hommes? Ils ont la force d'hommes, mais ils ne viennent pas à la mosquée de manière générale, si ce n'est le jour du vendredi ou le jour du Eid. Où sont ces hommes qui prétendent être des hommes alors qu'ils n'ont pas cette caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran? Voici les vrais hommes, ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, ceux qui construisent les mosquées d'Allah, ceux qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale et ont peur du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur de comparaître devant leur Seigneur. Voici les hommes, voici comment est-ce qu'ils ont été décrits par le Seigneur des mondes. Donc que chacun d'entre nous lise ce verset, médite ce verset et regarde sa place face à ce verset. Donc pour entrer dans ce verset, il faut élever cet édifice de deux manières. En construisant la mosquée et en peuplant la mosquée, en considérant la mosquée, en respectant la mosquée, en lui accordant la plus grande place, en préservant la mosquée de toute saleté, de toute nuisance, de toute mauvaise parole et de toute mauvaise action. Aussi, la personne peuple cette mosquée en la construisant. La personne qui souhaite entrer dans tous ses mérites doit peupler cette mosquée avec, doit peupler la mosquée avec deux bases. La première base, la pureté de la croyance. La deuxième base, les actions pieuses. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc selon la traduction, les seuls à véritablement peupler les mosquées sont ceux qui ont eu foi en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale et n'ont redoute qu'Allah. Ils n'ont peur que d'Allah. Cela, probablement, Allah leur accordera la guidée. Ici, on nous a cité deux bases pour vraiment faire partie de ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première base est la croyance authentique. Celui qui vient à la mosquée alors qu'il n'a pas une bonne croyance, alors qu'il voue le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci n'aura pas peuplé la demeure d'Allah azza wa jal. Celui-ci n'aura pas peuplé la mosquée, même s'il vient à la mosquée, même s'il s'aligne dans le rang des croyants. De par sa croyance, il n'aura pas peuplé la mosquée. Pour peupler la mosquée, tu dois avoir une bonne croyance. Tu dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier d'un culte sincère. Savoir que c'est le seul créateur, le seul maître, le seul gérant. C'est donc le seul qui mérite l'adoration et tout autre. Et toute chose qui sera adorée en dehors de lui ne sera adorée que vainement et injustement. Tu dois également reconnaître qu'Allah azza wa jal est parfait dans ses noms, dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala, exempté de toute imperfection. La deuxième base, les actions pieuses. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et ne craignent qu'Allah. Ils ne redoutent qu'Allah. Et l'action pieuse est celle qui est bâtie sur la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc te diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala. N'aimer qu'Allah azza wa jal, ne redouter qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'espérez que ce qui se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pardon, comme miséricorde, comme mérite et comme bienfait. Lorsque tu demandes une chose, tu la demandes à Allah. Lorsque tu recherches le secours, tu le demandes qu'auprès d'Allah. Lorsque tu demandes la protection, tu ne la demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur ne bouge que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas un pas, si ce n'est à la recherche de l'agrément d'Allah. Et tu ne délaisses pas une parole ni une action, si ce n'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ceux qui ont une bonne croyance. Quant à ceux qui, lorsqu'ils lèvent les mains, s'adressent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont peur d'autre qu'Allah comme on a peur d'Allah. Ils aiment Allah, ils aiment autre qu'Allah comme nous aimons Allah. Ces gens-là sont tombés dans le pire des péchés. Al-ishraku billahi al-azim. Qala azza wa jal. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. La in ashrakta la ahbatanna amaluk. ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu ne donnes des associés, toutes tes actions deviendront vaines. Toutes tes actions deviendront vaines et tu seras au nombre des perdants. C'est plutôt Allah qu'il faut adorer et faire partie du nombre des reconnaissants. Voici ceux qui peuplent Allah, ceux qui viennent avec la foi en Allah, avec le tawhid, tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Également, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'efforcent de mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les pires injustices, le fait de venir dans les demeures d'Allah azza wa jal et de propager ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-allamatul faqih, al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, قال إذا كان قد منع لمن أكل ثوما أو بصلا حضور المسجد فكيف بمن يأتي بالبدع والمحدثات فهو أولى وأولى رحمه الله تعالى. Le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin رحمه الله تعالى, le mufti du Masjid Haram pendant Ramadan à son époque, nous dit: si dans l'islam il a été interdit à celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon de venir à la mosquée car il nuit aux serviteurs d'Allah, il nuit aux anges, que dira alors de celui qui vient à la mosquée pour propager les innovations qui contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimahullahu ta'ala. Pour finir, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi salat wa salam, il y a 7 catégories de personnes qui seront mises sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Et parmi ces 7 catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci, un homme, et s'englobe également les femmes, un homme dont le cœur était rattaché à la mosquée. Un homme dont le cœur était attaché à la mosquée. Donc celui qui immensifie la mosquée, qui aime la mosquée et qui agit en conséquence, on espère pour lui, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il trouvera cette grande récompense. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين, اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين, وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم فرج الكروب عن المركوبين، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح بلاد المسلمين في الشام واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أذل الرافضة، اللهم أذل الرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.